Chapitre 11e. Madame d'Alifard n'était pas seule à savoir que Juliette Nélis copiait en ce moment un tableau du Louvre. Son fils le savait aussi bien qu'elle, pour ne pas dire mieux. C'était pour voir Juliette au Louvre qu'il avait voulu sortir le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi, et s'il avait cédé à sa mère, ce n'avait pas été sans des mouvements de révolte intérieure. Il avait fallu, pour le retenir, le puissant souvenir de son ancienne soumission. Surtout, il avait fallu l'influence des circonstances présentes et l'évocation de ce que sa mère faisait en ce moment même pour lui. Le temps n'était plus en effet où l'on pouvait l'éloigner de Juliette sans qu'il opposât de résistance. Et depuis un an, depuis son départ, ses sentiments à l'égard de Mademoiselle Nélis s'étaient profondément modifiés. Quand il avait connu Juliette, ce n'était qu'une petite fille, tandis que lui était déjà un grand garçon. Elle avait 12 ans, il en avait 17. Elle jouait encore à la poupée. Il fumait des Londres achetées les jours de sortie chez une marchande de la rue Soufflot, qu'il aimait et dont il espérait bientôt triompher. Il lisait Don Paez, Namuna et trouvait Paul et Virginie banades. Comment eût-il fait attention à cet enfant, qu'il voyait quelquefois les dimanches d'été à leur maison de campagne de Nogent, lui qui ne rêvait que d'Espagnols et de courtisanes vénitiennes. Elle était fraîche, rosée, avec de grands yeux noirs, et précisément il ne comprenait que les femmes jaunes comme les oranges, avec des yeux brûlants, les Andalouses. Au-delà de la trentaine et des Pyrénées, c'était la limite où l'on pouvait être aimé. À ce moment, les relations entre les deux familles étaient très intimes. M. Nélis commençait à être assez mal dans ses affaires, et c'était souvent pour lui le salut qu'il trouvait dans une visite à Nogent. Entre deux compliments, en admirant une fleur de la serre ou la disposition d'une corbeille, il se faisait accepter un escompte de 40 ou 50 000 francs, et son échéance du lendemain en était soulagé d'autant. Quand M. Nélis était mort, laissant sa femme ruinée et sa fille sans un sou, Madame d'Alifard, qui avait l'ostentation de la bienveillance, avait redoublé de soins et de prévenances pour la veuve et l'orpheline. Chaque dimanche, on les avait invités à venir à Nogent, et comme il fallait leur éviter la dépense, on les envoyait chercher le matin par la calèche et on les renvoyait le soir. Adolphe, qui justement avait besoin des chevaux dans le milieu de la journée pour promener une vieille célébrité des Folies dramatiques, qui habitait le parc de Saint-Maur, n'avait pas trouvé cet arrangement à son goût. Il n'avait rien dit, parce qu'il n'était pas dans son caractère de résister aux volontés de sa mère, mais il avait fait retomber sur Juliette les reproches que sa maîtresse lui adressait. Quel besoin avait-on d'inviter tous les dimanches à Nogent ces deux femmes en noir? Comme c'était gai de dîner avec elles. La vieille, qui racontait des histoires sans queue ni tête, longue de Paris à Pontoise, et la jeune, qui ne disait rien, mais qui vous regardait avec ses grands yeux, sans qu'on pût savoir si elle vous avait compris ou s'il se moquait de vous. Et puis il fallait s'habiller, et en rentrant, éreinter des régats de Joinville ou de la Varenne, et il fallait faire toilette. Si elle n'avait pas été là, on aurait simplement mis son pantalon par-dessus ses bottes au lieu de le laisser dedans, et tout aurait été dit. Mais Madame d'Alifard, qui était indulgente lorsqu'on dînait entre soi, était féroce sur l'étiquette les jours de cérémonie. Plus de chemise, de laine ni de vareuse. L'habit à la campagne, pour une petite grue. Cependant, celle qu'il appelait une petite grue, et qu'il s'obstinait à ne pas voir, probablement parce qu'il ne la regardait pas, avait produit une certaine sensation parmi ceux qui la rencontraient chez Madame d'Alifard. On lui avait parlé d'elle, et plus d'une fois, on lui avait demandé quelle était cette belle jeune fille. D'autres l'avaient raillée sur ce qu'ils appelaient sa dissimulation, car partout on trouve de ces observateurs profonds, de ces malins redoutables, qui ne vont pas dans une maison sans deviner, du premier coup d'œil, tout ce qui s'y passe et sans pénétrer ses mystères. Il s'était trouvé de ces observateurs chez Madame d'Alifard, et pour eux, l'indifférence d'Adolphe avait été tout simplement le comble de la rouerie. Qui eût cru que ce jeune homme à l'air ouvert et bon enfant était capable de s'observer ainsi? C'était trop fort. Décidément, il n'y avait plus de jeunes gens. Alors, l'esprit éveillé, il s'était mis à regarder cette jeune fille dont tout le monde parlait et que lui seul ne connaissait pas. et il avait été surpris autant que charmé des découvertes qu'il avait faites en elle. Il est vrai qu'il n'était plus au temps où il n'aimait que les femmes jaunes et qu'il ne se laissait plus imposer ses goûts par ses souvenirs littéraires. Mais c'est qu'elle était vraiment jolie, cette Juliette. Il avait donc été aveugle jusque-là de ne pas voir ses grands yeux de gazelle. Et il n'avait pas fait attention à ses cheveux, ni à ses lèvres, ni à son sourire. Comme elle était gracieuse lorsqu'elle courait dans le jardin, légère et souple, et de l'esprit. Comment avait-il pu l'entendre pendant plusieurs années sans avoir jamais été frappé par la spontanéité de ses réparties ? Rieuse, il est vrai, moqueuse, mais sans amertume et sans méchanceté, pour le plaisir de rire. Jusqu'à ce moment, il avait autant que possible tâché de s'échapper les dimanches, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, ne passant jamais la journée à Nogent et n'y dînant que lorsqu'il lui était impossible de faire autrement. Et cela, au grand chagrin de sa mère, qui voulait l'avoir toujours près d'elle, pour l'avoir d'abord et aussi pour qu'il ne fût pas ailleurs. Mais du jour où il avait pris plaisir à étudier Juliette, il était devenu le modèle du bon jeune homme, celui qui dîne régulièrement chaque dimanche avec papa et maman. Madame d'Alifard n'avait plus à se tourmenter pour savoir si, quand il disait qu'il devait aller le dimanche aux courses de Chantilly, il n'allait pas au contraire à Asnières avec Mademoiselle Turlurette ou Fleur des Bois. Et le lundi matin, quand il arrivait au bureau, elle n'avait plus l'angoisse de le regarder à la dérobée pour voir si son visage ne gardait pas les traces des fatigues de la veille et de la nuit. Douloureux examen que passent tant de mères et qui les peinent autant dans leur tendresse maternelle qu'ils les blessent dans leur délicatesse féminine. Tous les dimanches, il les avait alors passés à Nogent, et s'il avait encore voulu faire atteler les chevaux, ça avait été pour aller chercher Juliette à Paris, et avoir le plaisir de revenir avec elle par les chemins les plus détournés et les plus solitaires du bois de Vincennes. Les régates avaient été abandonnées, et s'il avait conservé toute sa flottille, ça avait été pour promener Juliette sur la Marne en l'initiant aux secrets de la voile et de l'aviron. En même temps que ce changement s'était fait dans ses habitudes, une évolution beaucoup plus significative s'était produite dans ses goûts. Le sport avait été remplacé par la peinture. Sous l'influence de Juliette, il s'était intéressé aux choses de l'art. Il avait visité assidûment les expositions et les ateliers, et bientôt il avait commencé, petit à petit, à acheter des tableaux. Heureuse de le voir adopter une vie calme qui le faisait rester toujours près d'elle, Madame d'Alifard l'avait encouragé dans cette voie en fournissant généreusement les fonds nécessaires à ses acquisitions. Le commerce des tableaux était à ses yeux un commerce comme un autre. Il s'agissait tout simplement d'acheter bon marché, de garder en magasin un temps plus ou moins long, et de revendre cher quand la marchandise avait augmenté. D'ailleurs, il lui plaisait de voir le nom de son fils cité dans les journaux. Il est vrai qu'autrefois, elle avait eu ce plaisir en lisant le lundi le compte-rendu du sport nautique. Skiff, premier prix, Léda à M. d'Alifard. Mais la citation de ce nom à propos d'un tableau lui semblait plus honorable qu'à propos d'un bateau. Cela avait quelque chose de plus relevé, de princier. Et quand elle était bien certaine que l'on avait marchandé autant que possible et obtenu le tableau au plus bas prix, elle payait sans se plaindre et même, si son mari était à ce moment dans son bureau, elle ne manquait jamais de dire qu'une mère était bien heureuse de gagner assez d'argent pour satisfaire tous les désirs de son enfant. C'était cette double influence, celle de Juliette d'un côté et celle de sa mère de l'autre, qui avait dirigé Adolphe dans ses aspirations et avait donné à sa galerie un caractère d'éclectisme qui, tout d'abord, surprenait. Quand, pour obéir à Mademoiselle Nélis, il avait acheté une œuvre hardie signée d'un nom discuté, il achetait bien vite, pour faire plaisir à sa mère, une œuvre médiocre, signée d'un non-marchand, une bonne valeur en ce moment cotée à l'hôtel des ventes. Pendant assez longtemps, cette vie heureuse pour tous s'était continuée, et elle se fut prolongée longtemps encore, sans doute, si les gens habiles, les observateurs sagaces, qui déjà une fois s'étaient étonnés de la dissimulation d'Adolphe, n'avaient pas fait des remarques sur son audacieuse effronterie. Autrefois, il était probablement l'amant de Mademoiselle Nélis parce qu'il ne s'occupait pas d'elle. Maintenant, il l'était certainement parce qu'il s'en occupait trop. Comme les gens de cette espèce n'ont presque toujours l'esprit aiguisé que par la vertu et le désir de moraliser ceux qu'ils ont le bonheur d'approcher, ils avaient cru devoir prévenir Madame Dalifard. D'abord, ils l'avaient fait par de délicates allusions et de charitables insinuations. Puis, comme elle avait paru ne pas comprendre, ils s'étaient décidés, à leur grand regret, pour sa tranquillité, pour le bonheur de M. Adolphe, pour l'avenir de cette charmante jeune fille, ils s'étaient décidés à dire franchement ce qu'ils avaient remarqué. Ainsi avertie, Madame Dalifard avait ouvert les yeux et les oreilles. Que son fils se plût dans la compagnie de Juliette, c'était bien. Que celle-ci lui rendit la maison de nos gens agréables et l'y retint, c'était bien encore. Mais qu'il aime à cette jeune fille et qu'entraîné par son amour, il en vint à vouloir l'épouser, c'était trop. Son fils, le mari d'une femme qui n'avait rien et qui l'épouserait par amour, allons donc. C'était alors qu'elle avait exigé qu'il quittât Paris pour l'Angleterre d'abord et ensuite pour la Hollande. Lorsqu'elle lui avait signifié cet ordre, il avait voulu, sous l'inspiration du premier mouvement, refuser net. Mais il n'avait pas l'habitude de résister à la volonté de sa mère et puis, en même temps que la timidité le retenait, la réflexion lui murmurait à l'oreille des paroles qui pesaient sur son esprit naturellement calme. Il aimait Juliette, cela était vrai. Mais où cet amour pouvait-il le conduire? À l'épouser? Il n'avait en ce moment aucune disposition pour le mariage. À devenir son amant? Il était fort douteux qu'elle y consentît, et d'ailleurs, d'un autre côté, il n'était pas de ceux qui trouvent tout naturel et tout simple d'être l'amant d'une jeune fille pour la quitter bientôt. Si elle commençait par être sa maîtresse, ce serait pour devenir sa femme plus tard. À quoi bon commencer par la fin, manger son pain blanc d'abord et son pain noir ensuite? Un voyage coupait court à toutes ces difficultés et tranchait une situation dont lui-même commençait à être fort embarrassé. Il s'était donc laissé expédier en Angleterre. Il verrait bien. Il avait vu que les liens qui s'étaient formés à son insu et qu'il avait cru pouvoir rompre d'un coup étaient plus solides qu'il ne pensait. En Angleterre d'abord, en Hollande ensuite, c'était Juliette, Juliette seule qui avait occupé son esprit et son cœur, et alors il avait commencé à sentir combien fortement il l'aimait. Loin d'affaiblir sa passion, l'absence en se prolongeant l'avait accrue et irritée. Combien de promenades solitaires avait-il faites sur les bords de la Tamise, à Richmond ou à Greenwich, sur les bords du Muiden, dans le Plantage, en pensant au bord de la Marne, à nos gens, à leur promenade avec Juliette, à son doux regard, à son sourire. Au moment où la mort de son père l'avait rappelé, il avait déjà inventé 20 moyens pour revenir à Paris, car il ne pouvait plus vivre loin d'elle, vivre sans elle.